C'est toi donc que tu as fait parler. À la bourse, je peux dire désolé. C'est la première fois que j'écris énervé. Là, mon cœur, il est mort, il est brisé. Les humains m'ont souri quand elle montait. On m'a dit que pour eux, moi, je comptais. Et m'ont dit qu'en vrai, il m'aimait. Alors pourquoi y'a personne qui restait? Toute ma vie, je crois qu'on me baratine. Pourquoi personne remonte, je me confine? Pourquoi personne remonte, je me confine? Je souris, oui, mais c'est pour la routine. Vous m'aimez, oui, mais personne ne s'active. J'ai la haine, ne crois pas que je suis triste. J'ai la haine, ne crois pas que je suis triste. Si je pleure, t'as pas le droit de me calmer. Toutes mes larmes, tu connais pas la story. Je suis fier de moi et de ma vie. Je suis dessus de vous et de vos conneries. Souvent penser que je suis incompris. Alors vous n'avez pas juste compris. Pour vous, je voulais juste être parfait. Pour vous, en veux mon cœur, j'ai des vrais. Comment tu veux la compresser? Maintenant, dire à non, c'est vraiment, je suis méchant, méchant comme les gens qui aiment que les paiements. L'autre, moi, je me consomme, j'ai perdu par le moins. Je veux pas qu'on parle de moi, je veux pas qu'on parle de moi. Et mais là, j'ai hérité des vieux paiements. Et mais là, je te veux pas, toi, je suis pas consentant. En vrai, y'a que ma mère qui me parle en m'aimant. Ici, y'a que ma mère qui pense à moi vraiment. Les humains m'ont souri quand ils montaient. Ils m'ont dit que pour eux, moi je comptais. Ils m'ont dit qu'en vrai, ils m'aimaient. Alors pourquoi y'a personne qui restait? Toute ma vie, je crois qu'on me baratine. Pourquoi personne remarque, je me confine? Pourquoi personne remarque, je me confine? Je souris, oui, mais c'est pour la routine. Vous m'aimez, oui, mais personne ne s'active. J'ai la haine, ne crois pas que je suis triste. J'ai la haine, ne crois pas que je suis triste. Si je pleure, t'as pas le droit de me calmer. Ouais.